Toujours à traîner autour de l'enclos. J't'assure que si ça perce avec la meute, on laissera que les os. J'tape dur, j'pose ma voix sur un sou toute l'année. Et si j'devais poser mon boule, bah j'le poserais sur ton nez. T'auras pas la tête dans le cul avec des histoires sans queue ni tête. Le micro dans le cul, il suce pour des filles comme des devs. Moi je vais faire péter un câble comme ta mère en plein Kamasutra. On va retrouver le corps de ton rap sous un train. J'envoie pas de punchline, j'suis pas ton rappeur à la mode. Moi j'm'en bats les couilles, t'es clash, j't'attrape direct à la gorge. C'est de la frappe, le bonhomme, c'est du smoke, t'as à la prod. T'as le relouka au micro, tu veux du bon, frappe à la porte. Si t'es au travers de la roue, tu pourras pas nous stopper. Si tu squattes dans notre galère, c'est toi caleçon, prépare-toi à y grouper. Le flow est connu, le cas d'Alry, y'a pas de copier-coller. Sans déconner, on est trop high, sans même décoller. Si t'es au travers de la roue, tu pourras pas nous stopper. Si tu squattes dans notre galère, c'est toi caleçon, prépare-toi à y grouper. Le flow est connu, le cas d'Alry, y'a pas de copier-coller. Sans déconner, on est trop high, sans même décoller. Là c'est mon blaze, une moitié de moi-même. Ce côté qui ose et que je nourris par l'émotion dans mes veines. Serait-ce un défaut de mes gènes, une maladie? Imagine, certains disent qu'il a ma voix, ma taille et même mon teint. C'est Luca, mon blaze, mon étincelle. En fait je suis ce mec qui rajoute toujours son grain de sel. Le mec qui braille, qui graille une rue au pain sec. Comprends pourquoi ma rage est à prendre avec des pincettes. T'as le riz sur la vague, l'air les amarres à la barre. Ça fournit de l'ego, de l'art, mais ça rappe sincère. Un brin fier, bipolaire, mi-paradis, mi-enfer. Luca la serre, pierre, serre, j'pillave, grave, pirate, brave, cher. J'pillave, qu'est-ce qu'il y a? La la la la. T'as le riz, Luca. Là, vraiment, vraiment, là, je suis bon, là, je suis le col, il est en feu, là. Ils ont déchiré ça, hein. Avec le français, tu veux ça, hein. Le jeune. Ah ouais, hein, tout ce que tu veux, vraiment, tout ce que tu veux. Et c'est une production du cousin en plus, Smokta Bilé, là, Smokta là, alias Célas, cousin. Ah ouais, frère. Voilà, cousin. Tu vois, tu cliques j'aime.